الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc le cours numéro 78 aujourd'hui dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est l'explication du Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan, et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Wa alaykum salam. Et donc, on est toujours dans le chapitre numéro 7. Babun min ash-shirki libsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Donc, le fait de, des choses qui font partie du shirk, parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de porter des bracelets ou des colliers ou des cordes ou des choses de ce genre dans le but de retirer un mal ou de le repousser. Au dernier cours, dans les cours précédents, on a expliqué le verset 38 dans Sourate Az-Zumar et on a expliqué le hadith de Imran ibn Hussein à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui portait un bracelet de cuivre, de l'enlever, parce qu'il le portait pour se protéger d'une maladie ou bien pour guérir une maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu mourais avec, tu n'aurais jamais le succès. Naam. Donc, on avait expliqué cette partie-là. Maintenant, on est arrivé dans le livre où le cheikh il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة وقوله رواه أحمد بسند لا بأس به وهو الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها وروى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون مات سنة 41 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur du livre, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit que il y a un témoignage également ou un support dans cette parole qui témoigne de sa véracité dans la parole de certains d'entre les sahaba qui ont dit que le shirk mineur est plus grave que les plus grands parmi les grands péchés et qu'il n'est pas excusable par l'ignorance. Ici, le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire. Il dit, « Al-Musannifu rahimahullahu qala hadha fi masail al-bab, anna shirk al-asghar akbaru min al-kabair, liannahu law mata ma aflaha abadan, ma'a annahu qad yakunu shirkan asghar, fa kayfa bil-shirk al-akbar wal-iyadhu billah. » Donc le cheikh il explique que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à la fin de ce chapitre, il a mentionné dans les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce chapitre le point suivant, c'est-à-dire que le shirk mineur est plus grave que les grands péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de celui qui a fait ça, qui avait porté ce bracelet, si il meurt avec ce bracelet-là sur lui, il n'aurait jamais eu de succès. Et yani, le cheikh, il dit donc que ça, c'est le cas pour celui qui fait du shirk mineur. Alors, que dire de celui qui fait du shirk majeur, wal'iyadu billah. Et il dit par la suite, dans ce qu'il dit à ce sujet, c'est que c'est la preuve qu'il n'a pas été excusé de son ignorance. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là. Il dit, Ash-shirk la yu'zaru fihi bil jahala. وإن مات على الشرك لم يفلح أبدا لأن الجهالة زالت بإرسال الرسل وإنزال الكتب والذي يبقى على جهله هذا من تفريطه هو وعدم سعيه في النجاة بنفسه لأن الله أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولم يبق للخلق حجة حتى يقولوا ما بلغنا شيء. كثير من المتعالمين الآن يلتمسون الأعذار لهؤلاء المشركين وعباد القبور يقولون اعذروهم بالجهل. إلى متى الجهل؟ هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد البعثة فقد زال الجهل والحمد لله، ولم يبق إلا أن الإنسان يسعى لطلب العلم والسؤال والبحث، لا يبقى على ما هو عليه بدون سؤال، بل أنهم يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون كلام أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد ويرفضون هذا ويبقون على عوائدهم وعوائد آبائهم هؤلاء جهال. Donc ici, le cheikh, il explique que le shirk, il n'est pas excusable par l'ignorance. Il dit, si quelqu'un meurt sur le shirk, il n'aura jamais de succès. Il dit, parce que l'ignorance, elle a été éliminée, ou elle a été enlevée par l'envoi des messagers, et par la révélation des livres. Et donc, il ne reste plus de raison pour que quelqu'un reste sur son ignorance, excepté sa propre négligence et le fait qu'il ne fait pas d'effort dans le fait de se sauver lui-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve en envoyant les messagers et en faisant descendre les livres. Il ne reste donc plus pour la création d'arguments pour qu'ils puissent dire, par exemple, rien ne nous est parvenu, rien ne nous a été envoyé. Et il dit, beaucoup de gens qui prétendent à la science aujourd'hui, ils cherchent des excuses pour les mouchriquines et ceux qui adorent les tombes. Et ils disent, il faut leur trouver il faut les excuser par rapport à leur ignorance. Le cheikh, il dit, jusqu'à quand ils seront ignorants, ou jusqu'à quand l'ignorance? Il dit ça, c'était avant l'envoi du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après l'envoi du messager, après que le messager était envoyé, il n'y a plus d'ignorance, alhamdoulillah. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un être humain. Il ne reste plus à l'être humain aujourd'hui qu'à faire des efforts pour chercher la science, à poser la question, à rechercher la vérité. Et il ne doit donc pas rester sur ce sur quoi il se trouve sans poser de questions. Mais ils doivent, il dit en plus, ils entendent le Coran, ils entendent les hadiths, ils entendent les paroles des ulama qui appellent au tawhid. Et ils refusent cela. Et ils restent sur leurs traditions et les traditions de leurs pères. Et après, on dit que ceux-là sont des ignorants. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que le cheikh il explique à ce sujet-là. Mais en même temps aussi, de façon générale, il faut pas penser que ici le cheikh il nie de façon absolue que quelqu'un puisse être excusé pour l'ignorance, puisque il y a des cas qu'il a mentionnés dans d'autres contextes où effectivement des personnes peuvent être excusées par rapport à leur ignorance. Donc il ne faut pas prendre une seule citation d'un cheikh à ce sujet dans une parole et de ne pas tenir compte des autres aspects ou des autres endroits où il en a parlé également et où il a clarifié d'autres détails sur ce sujet. Donc ici le cheikh ensuite il dit ولو قل لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. Donc le cheikh il explique donc à propos de cette parole, on vient juste de lire l'explication, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, que si il mourait avec ce bracelet là sur lui, il n'aurait jamais eu le succès. Il dit le succès c'est yani, d'avoir la réussite, d'avoir le bonheur, le paradis. Et le cheikh il explique que ce hadith l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il l'a rapporté en disant que il est rapporté selon l'imam Ahmad, c'est-à-dire c'est l'imam Ahmad rahimahullah qui l'a mentionné dans son livre de hadith dans la Musnad avec une chaîne de transmission qui est bonne. Et il dit ici le cheikh que l'imam Ahmad, son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani. D'accord, donc ça c'est yani, son nom au complet. Si on prolonge, on peut reculer encore. Mais ici il dit donc son nom c'est l'imam Ahmad, le fils de Muhammad. Donc Muhammad c'est son père. Le fils de Hanbal. Donc Hanbal c'est son grand-père. Le fils de Hilal, donc Hilal c'est son arrière-grand-père. Ibn Asad, et donc Asad c'est son arrière-arrière-arrière-grand-père. Et, ou bien arrière-arrière-grand-père. Non. Et il dit ensuite qu'il est Ash-Shaybani. Et Ash-Shaybani c'est la tribu. Hein? Et sa kunya c'est Abu Abdillah. Sa kunya c'est Abu Abdillah. Et on dit qu'il est Marwazi. Marwazi, c'est pour les habitants de la ville de Yani, une ville qui s'appelle Marou. Donc on appelle les habitants de cette ville Marwazi. Cheikh Al-Fawzan il dit المروزي يعني أنه مولود في مرو في المشرق لأن النسبة إلى مرو يقال مروزي يعني يزيدون الزاي. Donc c'est ça. La ville, le nom de cette ville où l'imam Ahmad est né, c'est la ville de Marou. Et Marou, ça s'écrit Mim Ra Waou. Et lorsqu'on met la nisba pour dire, par exemple, que quelqu'un vient de cet endroit-là, il rajoute les Arabes un Zay, la lettre Z. Donc, ils disent Marwazi. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de la ville de Marou. Et ensuite, il est parti à Bagdad. Sa mère l'a amené à Bagdad. C'est là-bas qu'il a vécu. Ensuite, le cheikh, il dit, c'était l'imam de son époque, c'est-à-dire le plus grand savant de son époque, le plus savant dans le fiqh et dans le hadith, et le plus fort dans la piété. Et certains des savants de Ahl Sunnah ont dit à son sujet qu'il a été le plus endurant vis-à-vis de la dunya. Et il était parmi ceux qui ressemblaient le plus aux anciens, parmi les salafs. Et ils disent à son sujet que la dunya lui a été donnée et il l'a refusée. Et les choubas, hein, lui ont été lancés et il les a détruits. Et il a rapporté les hadiths des grands savants de la Ummah, parmi les imams des salafs. Et parmi ses élèves, on compte l'imam Shafi'i, l'imam Yazid ibn Haroun. Hein? Min akbar shuyukhihi. Hein? L'imam Shafi'i, parmi ses plus grands shuyukh et ses plus grands élèves aussi, parce qu'il a étudié avec l'imam Shafi'i et il a étudié avec lui aussi en même temps. Donc c'est son élève et son cheikh en même temps. Yazid ibn Haroun, également c'est un des grands imams parmi les salafs. Abdurrahman ibn Mahdi, également un des grands imams parmi les imams des salafs. Ces hommes-là sont des montagnes dans la science, parmi les imams des salafs. Yahya al-Qattan, Yahya ibn Saïd al-Qattan, un des imams aussi parmi les salafs. Al-Imam Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, c'est un aussi parmi les imams des salafs. Il a été parmi ses shuyukh. Et Abdurrazzaq al-San'ani, un des grands imams du Yémen, il est également parmi ses shuyukh. Et d'autres également, parmi les grands imams, qui ont été les shuyukh de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il est mort en l'an 241. Et à l'âge de sa mort, il avait 77 ans. Rahimahullah. Donc, ça c'est l'imam Ahmed, rahimahullah. Il dit ensuite, قوله وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية. Donc ça c'est le hadith suivant en fait que le cheikh il va expliquer maintenant. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. Donc ici le cheikh il explique, cheikh, ce hadith là. Il dit c'est rapporté selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu marfou'an. Il dit quiconque accroche une amulette alors que Allah ne lui complète pas son affaire. Et quiconque accroche une wada'a, wada'a, yani une sorte de, yani une amulette ou un gris-gris ou des choses de ce genre, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas son affaire. Et dans une autre narration, il a dit, celui qui accroche une amulette, il a fait le shirk. Il a certes fait le shirk. Cheikh Al-Fawzan, il explique donc ce hadith. Il dit, « Wa li'uqbat ibn Amir, radiyallahu anhu marfou'an, ay ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa huwa min kalam al-Sahabi, man ta'allaqa tamimatan, fala atamma Allahu lah, ay » من تعلق قلبه بتميمة وعلقها على جسمه والتميمة هي ما يعلق من الحروز والحجب المكتوب عليها كتابات يظنون أنها تدفع العين أو تشفي من المرض فهي مثل تعليق الحلقة والخيط إلا أن التميمة تكون مكتوبا فيها وأما الحلقة والخيط فهي ليس فيهما كتابة وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد تفسير لها وبيان حكمها وعلى التفصيل. وقوله فلا أتم الله له، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يتم الله له أموره ولا يتم له ما أراد، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامله الله تعالى بنقيض قصده. فالذي يعلق الحجب والتمائم والحروز يريد بها أنها تشفيه من المرض أو تدفع عنه العين، فالله يعامله بنقيض قصده، فيصاب بالأمراض ويصاب بالعين ويصاب بالخوف، حتى لو ما أصابه أمراض أو ما أصابه عين في جسمه يصان بالألم في قلبه وبالخوف والرعب والانزعاج من كل شيء. وهذا شيء مشاهد، أن الذين يلتفتون إلى غير الله فإن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب والهلع والجزع والخوف من كل شيء والقلق في حياته، بخلاف الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه، فإنه يكون مطمئن القلب، مرتاح البال، قوي العزيمة، شجاعا لا يهاب، لأنه يعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بقضاء الله وقدره، فيكون تعلقه بالله عز وجل. Donc on va traduire jusqu'ici, inshallah. Donc le cheikh, il explique que Uqba ibn Amir, il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est marfou, ça veut dire qu'il est monté jusqu'au messager, c'est-à-dire la parole, elle est montée en voulant dire qu'elle est attribuée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les mustalahat, les terminologies de la science du hadith, lorsqu'on dit qu'un hadith est marfou', ça veut dire qu'il va jusqu'au messager, il s'élève jusqu'au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le terme marfou', donc c'est un terme employé dans la science du hadith pour dire désigner ce qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une parole authentique. Hein? Ça, c'est pas une preuve que c'est authentique. Ça peut être marfou' et ça peut être faible également. Même si c'est marfou', ça ne veut pas dire que c'est authentique. Donc il faut juste faire attention à ça. Le fait de dire que c'est quelque chose est marfou', ça ne veut pas dire que c'est authentique. Toutefois, ça ne veut pas dire que c'est pas authentique non plus. Donc ici, quand il dit marfou', c'est-à-dire c'est pas une parole du prophète, c'est pas une parole d'un compagnon, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque accroche une tamime, c'est-à-dire une amulette, il dit alors que Allah ne lui complète pas son affaire. Et le cheikh, il dit donc celui qui accroche dans son cœur, il accroche son cœur à une amulette en l'accrochant sur son corps. Et l'amulette en arabe, c'est At-Tamima. Et At-Tamima, c'est quelque chose qu'on accroche sur soi, comme une petite pochette ou une petite étui dans lequel il y a quelque chose qui est écrit. Hein? Et les gens pensent que ça peut protéger contre le mauvais œil ou que ça peut guérir d'une maladie. Et donc, ce genre de choses qu'on accroche, c'est différent, les amulettes sont différentes des colliers ou des bracelets. Puisque les amulettes, il y a quelque chose d'écrit dessus, hein, ou dedans. Tandis que les colliers ou les chaînes ou les cordes, il n'y a pas nécessairement quelque chose d'écrit dessus. C'est ça la différence entre les deux. Et il dit le cheikh, hein, qu'il y a un chapitre qui va suivre par la suite avec plus d'explications et plus de détails au sujet de At-Tamima. Qu'est-ce que c'est, hein? Puisque le sujet de du chapitre suivant, c'est Babun Maja Afirruqa wa At-Tamaim. Donc, on va en reparler encore des tamaim. Mais pour l'instant, hein, le cheikh, il en parle parce que ça rentre dans le sujet. Hein, ça rentre dans le sujet et dans le hadith mentionné dans ce chapitre, il y a le sujet des tamaim qui est mentionné dans le hadith. Donc, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche une tamima, que Allah ne lui complète pas son affaire, c'est-à-dire, hein, c'est une invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait, que Allah ne complète pas son affaire, c'est-à-dire qu'il ne complète pas ce qu'il a voulu. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation ici pour que Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec celui-là d'une manière qui est contraire à ce qu'il a voulu, c'est-à-dire d'une manière contraire à ce que cette personne veut. Et le cheikh, il dit, Naam, donc il fait une invocation pour que Allah subhanahu wa ta'ala le traite d'une manière différente ou contraire de ce qu'il a voulu, parce que celui qui a accroché ce genre d'amulette, ou ce genre de gris-gris, ou ce genre de talisman, ou de porte-bonheur, on les appelle par différents noms. Il y a des différents noms qui sont utilisés pour les définir ou les décrire. Et parmi ces noms, hein, Al-Hujub, qui est le pluriel du mot hijab. Ou bien Tamaim, qui est le pluriel du mot Tamima. Ou bien également Al-Hirz. Le pluriel, c'est Hurouz. Tous ces termes-là sont des termes employés pour désigner ce genre d'amulettes. C'est des petites pochettes. Des fois, c'est en cuir ou en d'autres matières que les gens fabriquent. Et ils mettent à l'intérieur un papier avec des choses écrites à l'intérieur. Et parfois, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire dessus? Ça peut être de différentes choses. Des fois, c'est écrit avec des chiffres. Des fois, c'est écrit avec des lettres, mais des mots d'une langue illisible. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas lisibles. Des fois, c'est même écrit avec des impuretés. Quand c'est des sorciers qui font des choses comme ça, souvent c'est fait avec des impuretés. Parce que ça implique de faire des sortilèges, des blasphèmes, des sacrilèges pour pouvoir obtenir l'aide des djinns. Donc, ils font ce genre de choses. Et les gens, ils mettent ça sur eux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Ils s'imaginent que c'est quelque chose de bien. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, Yanni. Juste un instant. Donc, ça fait partie en réalité des superstitions et des choses que les gens font qui n'est pas supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Et surtout des choses qui font partie des choses d'égarement aussi, parce que il y a du shirk parfois dans ces choses-là, il y a le fait de porter ces choses-là, de croire en ces choses-là, il y a du shirk. Et ça peut être du shirk majeur, ça peut être du shirk mineur, selon l'état du cœur de la personne et qu'est-ce qu'elle a dans le cœur comme attachement pour ces choses-là. Donc c'est extrêmement dangereux. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, hein, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Hein, celui qui accroche une tamima, une amulette, il a fait le shirk. Pourtant, tu trouves ça dans certains pays musulmans. Des gens, ils portent ça partout sur leur corps. Ils en mettent dans leurs poignets, ils en mettent dans leurs coudes, ils en mettent autour de leur taille. Hein? Subhanallah. Il y a des gens comme ça qui font du sport, hein? Ou qui font de la lutte ou d'autres sports. Avant un match, ils vont aller voir leur gourou. Ils vont aller voir leur marabout, ils vont aller voir leur sorcier, et ils vont leur demander de leur faire des gris-gris comme ça, des amulettes. Hein? Et le pire, c'est que les deux opposants là, les deux qui se battent, les deux ils sont des superstitieux, les deux croient en ces choses-là. Alors chacun ils ont leur cheikh ou leur marabout ou leur gourou vers qui ils se tournent pour aller leur donner ces amulettes-là. Et quand ils gagnent, ils disent: ah, c'est parce que mon marabout il est plus fort, hein? Auzubillah. Ou bien mon amulette elle est plus forte. Allahu al-musta'an. Il n'a pas mis sa confiance en Allah. Donc tout ça, c'est des bêtises, n'importe quoi. Hein? Nasarullah al-afiyah. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide et qu'Allah les guide aussi. Donc le cheikh, il dit, par rapport à ce hadith-là, il dit, les gens, ils portent ce genre d'amulette ou de talisman en pensant que ça va les guérir d'une maladie ou que ça va repousser le mauvais œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala agit avec eux de la manière contraire en réalité, c'est-à-dire, il fait en sorte qu'ils soient frappés par toutes sortes de maladies et par des mauvais œils encore plus, hein, et qu'ils sont frappés également, hein, par yani, des craintes et de l'anxiété et de l'angoisse à cause de leur attachement à ces objets-là. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les punit à cause de ça, en faisant en sorte justement qu'ils soient, hein, toujours en train d'avoir peur de quelque chose. Il dit, même s'ils ne sont pas touchés par des maladies ou par le mauvais œil, hein, ils vont avoir des douleurs dans leur corps, dans leur cœur, hein, ils vont avoir des craintes, des anxiétés, ils vont être dérangés partout, hein, par toutes, toutes sortes de choses. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est des choses qui sont, hein, qui sont vues clairement, on voit que ceux qui se détournent d'Allah et qui se tournent vers autre que Allah, hein, Allah jette dans leur cœur la peur, hein, l'anxiété. Hein. Ils n'ont pas le cœur tranquille, ils n'ont pas l'esprit tranquille, ils ne sont pas fermes dans leurs décisions, ils ne sont pas, hein, en paix en eux-mêmes. Tandis que celui qui met sa confiance en Allah et qui se repose uniquement sur Allah, il va être en sécurité, il va être en paix dans son cœur, il va être en l'esprit en paix, il va être ferme dans ses décisions, il va être courageux, hein, dans ses choses. Il ne va pas avoir peur de personne. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut lui arriver excepté ce que Allah a prédestiné et a décrété pour lui. Alors il accroche son cœur, hein, en Allah subhanahu wa ta'ala, et il met sa confiance en Allah. Et le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَى ويأتي في الباب الذي بعده التفصيل والحكم على أنواع التمائم ومن تعلق ودعة والودع الخرز الذي يظنونه ويعلقون ينظمونه أو ينظمونه ويعلقونه على الصبيان أو على أنفسهم يتقون به العين والضرر فلا وضع الله له لا وضع أي لا يعني أي لا تركه في دعة وراحة بال بل يسلط عليه الهموم والوسائس والانزعاج من كل شيء والخوف من كل شيء لأنه فتح على نفسه باب الخوف من المخلوقات فيخاف من كل شيء فهذا أيضا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من تعلق الودع واعتقد فيها أنه لا يتركه الله في دعة وعيش هنيء وراحة والبدعة ضد القلق والدعة ضد القلق والانزعاج. نعم ضد القلق والانزعاج. Donc le cheikh, il explique par rapport à la deuxième partie du hadith lorsqu'il dit, et celui qui accroche une tamima, donc Allah lui complète pas ses affaires, il dit que ça prouve que Il dit ça prouve l'interdiction d'accrocher des amulettes de façon absolue, de façon générale, sans exception. Mais on va voir dans le chapitre qui suit, le chapitre suivant, on va voir qu'il y a des détails à ce sujet-là, au sujet du jugement et à propos de différentes catégories de tamaim. Donc ça, on va le voir aussi par la suite. Et il dit donc, quiconque accroche, qu'est-ce qu'on appelle wada'a. Le professeur se m'a dit wada'a. Al-wada'a, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme une pochette, hein? Quelque chose qu'il arrange et qu'il accroche. On accroche ça sur les enfants, ou on les accroche sur les gens, ils les accrochent sur eux-mêmes ou sur les enfants pour les protéger du ayn, ou bien pour les protéger du mal. C'est la même chose que le talisman, sauf qu'il l'appelle par différents noms. Et donc, il dit le cheikh ici, donc celui qui accroche une wada'a, eh bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne pas la paix, que Allah lui donne pas le repos. Et donc, celui qui accroche ce genre d'objet ou ce genre de choses, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation à Allah pour que cette personne, elle ne soit jamais en paix, pour qu'elle ait plein de soucis, plein de suggestions négatives, beaucoup de dérangements en toutes sortes de choses, de la peur de toutes choses. Hein? Donc, elle a ouvert à elle, sur elle, pour elle-même la porte de la crainte des créatures. Et elle va avoir peur de tout. Hein? Et également ici, yani, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un doua, une invocation ici, pour que celui qui accroche une wada'a et qui croit en ces choses-là, que Allah ne le laisse pas en paix et vive une vie en repos. Hein? Et al-da'a, c'est le contraire de, yani, c'est le contraire de la. De l'anxiété ou de l'angoisse ou des troubles, des dérangements intérieurs, des troubles de l'âme. Donc, da'a, c'est le repos en fait. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit la wada'a Allahu la. Hein, que Allah lui donne pas le repos. Et le cheikh, il dit encore par rapport à l'autre. L'autre explication par rapport au hadith, man allaqa tamimatan faqad ashrak. C'est-à-dire celui qui accroche une amulette, il a fait le shirk. Et le cheikh il dit, hadhihi ashad, al-riwayat al-ula fiha al-du'a, fala atam Allahu lah. Wa hadhihi al-riwaya al-khabar, anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. يعني فمن تعلق التميمة على جسمه أو على ولده أو على دابته أو على سيارته أو على بيته أو على متجره ومن تعلق هذه الحجب وهذه الحروز وهذه التمائم على نفسه أو أولاده أو ممتلكاته فقد أشرك لأنه تعلق بغير الله ومن تعلق بغير الله فقد أشرك وهذا محل الشاهد لأنه قال في الباب الذي قبله شرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب وهذا الباب يعني من شرح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن معناها ترك الشرك ومن الشرك تعلق الحلقة والخيط فكيف بغيرها مما هو أشد منها. Donc le cheikh il dit, donc ici on voit que cette narration suivante elle est encore plus dure que les précédentes. Dans la première narration on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué contre celui qui met des amulettes, que Allah ne lui complète pas ses affaires et que Allah lui donne pas le repos. Et ici c'est un énoncé qui est fait du fait que celui qui porte une amulette, il a fait le shirk avec Allah. Il a associé, il a donné des partenaires à Allah. Hein? Donc, il dit, celui qui accroche une amulette sur son corps, ou sur son enfant, ou sur sa monture, ou sur sa voiture, ou sur sa maison, ou sur son commerce, ou qui accroche une amulette, ou un talisman, ou n'importe quel autre de ce genre de truc, de porte-bonheur ou autre, sur lui-même, sur ses enfants, ou sur ses biens, il a fait le shirk avec Allah. Hein? Parce qu'il s'est accroché à autre qu'à Allah. Et quiconque s'accroche à autre qu'à Allah, il a fait le shirk. Et c'est ça ici le point qui est établi par rapport à ce chapitre. Et c'est pour ça qu'il dit dans le chapitre le chapitre précédent, à la fin, il disait, et l'explication de ce chapitre est expliquée par ce qui suit, c'est-à-dire les chapitres suivants. C'est-à-dire que le chapitre 6, c'est l'explication de la ilaha illallah, et le cheikh il dit à la fin que tout ce qui va suivre dans le livre de Kitab al-Tawhid, après, à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin, c'est l'explication de ce chapitre-là, c'est-à-dire l'explication du Tawhid et de la ilaha illallah. Et ça signifie de laisser tomber le shirk. Laisser tomber le shirk. Et il nous explique qu'est-ce que c'est le shirk. Et il nous donne toutes les différentes formes de shirk qui peuvent se manifester ou exister. Et ici, il dit donc, quiconque a accroché un bracelet, un collier, une corde, une amulette, un talisman, n'importe quoi de ce genre, alors il a commis le shirk. Alors, que dire de ceux qui accrochent des choses plus graves encore et qui croient en des choses plus graves que ça encore? Parce que même si on s'imagine que ça se peut pas, mais effectivement, non, ça se peut. Il y a des gens qui font toujours des choses de shirk, des nouvelles formes de shirk qu'ils inventent, des façons de faire le shirk. Allahul Musta'an, c'est grave. Maintenant, il y a des gens, ils font même du shirk dans les jeux vidéo maintenant. Ils sont assis chez eux, dans leur maison, puis ils jouent avec des jeux vidéo dans lesquels il faut se prosterner avec le personnage qu'ils ont choisi. Ils se prosternent devant des statues, se prosternent devant des idoles ou des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples. Yani, subhanallah, comment tu vas accepter de jouer à des jeux pareils et de faire des choses pareilles? C'est catastrophique. Surtout quand des enfants, ils commencent à jouer à ça. Et ils disent, non, mais c'est juste un jeu, c'est pas grave. Allah al-Musta'an. Il y a un jeu, les enfants, ils jouent à ça des fois. Dedans, dans le jeu, il y a des cochons, il y a des porcs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent les tuer pour avoir de la nourriture. J'ai dit, il faut pas jouer à ça. Il faut pas tuer les porcs. Le porc, c'est haram. Ils disent, ouais, mais c'est juste un jeu, c'est pas la réalité. Et même si c'est pas la réalité, c'est-à-dire, si vous dites que c'est du porc et que vous jouez à ce jeu-là, vous devez pas le manger parce que c'est du porc. Mais c'est comme si les enfants, ils se créent une réalité dans leur tête ou dans leur imaginaire. Et dans cet imaginaire-là, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de distinction. Et pourquoi? Parce que les koufars, c'est ça ce qu'ils veulent. Les koufars, ils veulent que les enfants imaginent un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire-là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de Allah. Ils ne pensent pas à Allah. Ils ne pensent pas à la révélation dans ça. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'ils veulent, créer ce monde de coffre et de shirk dans lequel les gens sont des égarés. Et tous les dessins animés, les dessins animés et les trucs qu'ils font là, les koufars, ceux qui écrivent ces histoires-là, ceux qui écrivent les textes des personnages et ceux qui écrivent les histoires de ces personnages-là, ils n'ont aucune conscience de la réalité de la foi ou de la religion. Ils ne tiennent pas compte de ces réalités-là parce qu'ils n'y croient même pas eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que tu vas pas être étonné d'entendre dans les paroles de ces personnages-là des choses de shirk et des paroles de kofr. Même dans les films, pas seulement pour les enfants, même pour les adultes. Hein? Beaucoup de ces personnages qu'ils écrivent, ceux qui écrivent les histoires, ceux qui écrivent les romans là, et les histoires qui inspirent ces films-là et les scénarios. Beaucoup d'entre eux, ils créent des personnages et ils font dire à ces personnages-là des paroles de kofr. Et ils leur font insulter Allah ou faire des actes shirk ou des actes de kofr. Yani, c'est la même chose. Hein? C'est aussi grave. Est-ce que tu vas dire, hein, si tu dis, moi, je veux devenir un musulman acteur. Hein, je veux devenir un acteur. Tu es musulman, tu veux devenir un acteur. Et puis après, quand tu deviens acteur, on te donne un rôle. Dans ce rôle-là, tu dois dire du shirk, faire du kufr, hein, te prosterner devant des idoles ou faire des crimes, choses contraires à l'islam. Est-ce que tu vas accepter juste parce que tu dis non, c'est pas la réalité, c'est juste un film, hein? Non, même si c'est un film, c'est pas quelque chose que tu dois faire parce que tu peux pas faire qu'est-ce qui est haram puis dire non, c'est juste pour jouer, c'est juste un jeu, c'est pas vrai. Yani, subhanallah. Ala kulli hal. Allah, il nous a créés pour être éprouvés, pour être testés dans cette vie d'ici-bas, pour voir si on allait être croyants. Et dans ce test, il n'y a pas de place pour le jeu, dans le sens de faire semblant qu'on ne croit pas. Et si tu es croyant, tu dois être croyant jusqu'au bout et vivre selon ta foi. Mais tu ne vas pas dire, je suis croyant, mais je vais faire semblant que je suis pas croyant en même temps. Je vais jouer le rôle de quelqu'un qui est mécréant. Il dit non, subhanallah, ça c'est grave. Et des fois tu vois le contraire aussi. Quelqu'un qui n'est pas croyant, qui joue le rôle d'un croyant. Mais ça c'est de l'hypocrisie. Est-ce que tu penses que parce qu'il joue le rôle d'un croyant, il va être calculé parmi les croyants au jour dernier? Non. Parce qu'il ne croit pas dans son cœur, il fait juste le rôle. C'est un acteur. Il joue le rôle de quelqu'un qui est musulman, mais il ne croit pas du tout. Hein? Donc c'est pour ça. Allah nous. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent dans des situations dans la vie, ils oublient la réalité. C'est comme par exemple quelqu'un qui est policier. Il dit, moi je suis policier, on m'a donné une arme et ça veut dire que si j'ai à l'utiliser, je l'utilise. Hein? Et j'ai le droit puisque j'ai le permis. Hein, j'ai permis de l'utiliser. Eh bien, même si tu es policier, hein, et que tu dois utiliser ton arme, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te poser la question, pourquoi tu as utilisé ton arme? Donc même si tu penses, tu dis, ah mais il n'y a personne qui m'a vu, et il n'y avait pas de témoin, et j'ai fait ça, hein, c'est pas grave. Ben, au jour de la résurrection, on va te juger. Et même si tu es juge, tu dis, mais moi je suis juge, hein, dans ce bas monde. Je suis un juge dans un tribunal. Et tu vois des gens devant toi, puis tu les punis alors qu'ils n'ont rien fait. Et tu leur donnes des peines injustes. Tu dis, mais moi je suis juge, j'ai l'autorité, j'ai le droit. Au jour de la résurrection, c'est toi qui vas être jugé. Pour qu'est-ce que tu as fait comme jugement injuste. Les procès que tu as faits, ils vont être refaits. Hein? Ils vont être refaits encore une fois, à zéro. Tous les procès injustes qui ont été faits dans ce bas monde, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va les refaire, ces procès-là. Il va établir la vérité et la justice absolue. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour la justice. La justice, elle sera jamais perdue, même si elle est cachée dans ce bas monde, ou même si on ne l'a pas établie dans ce bas monde, tôt ou tard, un jour, elle va être ramenée, cette justice-là. il va être rétabli. Et ceux qui font de l'injustice, ils vont le voir, même si c'est juste un atome d'injustice. Ala kulli hal, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera l'explication au prochain cours. Attendez, là il est 5h33. Ok, peut-être juste, je vais juste expliquer. Attendez, Uqba. C'est ça. Il dit Uqba ibn Amir, sahabi mashhour, faqih fadil, wali imarati Misr li Muawiyah. ثلاث سنين ومات قريبا من الستين. Donc c'est ça. Le rapporteur du hadith, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu. C'est un noble compagnon célèbre et un grand savant de la religion. Et il a été le gouverneur de l'Égypte à l'époque de Muawiyah pendant 3 ans. Et il est mort environ vers l'âge de 60 ans. Je ne sais pas s'il veut dire ici à l'an 60 ou à l'âge de 60 ans. Un des deux. À la kulli hal, on va s'arrêter ici. Au prochain cours, on va continuer la suite de cette explication. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.